Des premiers développements de l'enfant sauvage de l'Aveyron. Un enfant de 11 ou 12 ans, que l'on avait entrevu quelques années auparavant dans les bois de la Cône, entièrement nu, cherchant des glands et des racines dont il faisait sa nourriture, fut dans les mêmes lieux et vers la fin de l'an 7, 1798, rencontré par trois chasseurs qui s'en saisirent au moment où ils grimpaient sur un arbre pour se soustraire à leur poursuite. Conduit dans un hameau du voisinage et confié à la garde d'une veuve, il s'évada au bout d'une semaine et gagna les montagnes, où il erra pendant les froids les plus rigoureux de l'hiver, revêtu plutôt que couvert d'une chemise en lambeaux, se retirant pendant la nuit dans les lieux solitaires, se rapprochant le jour des villages voisins, menant ainsi une vie vagabonde, jusqu'au jour où il entra, de son propre mouvement, dans une maison habitée du canton de Saint-Cernin. Il y fut repris, surveillé et soigné pendant 2 ou 3 jours, transféré de là à l'hospice de Sainte-Afrique, puis à Rodez, où il fut gardé plusieurs mois. Pendant le séjour qu'il a fait dans ces différents endroits, on l'a vu toujours également farouche, impatient et mobile, chercher continuellement à s'échapper et fournir matière aux observations les plus intéressantes recueillies par des témoins dignes de foi et que je n'oublierai pas de rapporter dans les articles de cet essai où elles pourront ressortir avec plus d'avantage. Un ministre, protecteur des sciences, crut que celle de l'homme moral pourrait tirer quelque lumière de cet événement. Des ordres furent donnés pour que cet enfant fût amené à Paris. Il y arriva vers la fin de l'an 8, 1799, sous la conduite d'un pauvre et respectable vieillard qui, obligé de s'en séparer peu de temps après, promit de revenir le prendre et de lui servir de père si jamais la société venait à l'abandonner. Les espérances les plus brillantes et les moins raisonnées avaient devancé à Paris le sauvage de l'Aveyron. Beaucoup de curieux se faisaient une joie de voir quel serait son étonnement à la vue de toutes les belles choses de la capitale. D'un autre côté, beaucoup de personnes, recommandables d'ailleurs par leur lumière, oubliant que nos organes sont d'autant moins flexibles et l'imitation d'autant plus difficile, que l'homme est éloigné de la société et de l'époque de son premier âge, crurent que l'éducation de cet individu ne serait l'affaire que de quelques mois, et qu'on l'entendrait bientôt donner sur sa vie passée les renseignements les plus piquants. Au lieu de tout cela, que vit-on ? Un enfant, d'une malpropreté dégoûtante, affecté de mouvements spasmodiques et souvent convulsifs, se balançant sans relâche comme certains animaux de la ménagerie, mordant et égratignant ceux qui le servaient, enfin indifférent à tout et ne donnant de l'attention à rien. On conçoit facilement qu'un être de cette nature ne dût exciter qu'une curiosité momentanée. On accourut en foule, on le vit sans l'observer, on le jugea sans le connaître, et l'on n'en parla plus. Au milieu de cette indifférence générale, les administrateurs de l'Institution nationale des sourds et muets et son célèbre directeur n'oublièrent point que la société, en attirant à elle ce jeune infortuné, avait contracté envers lui des obligations indispensables qu'il leur appartenait de remplir. Partageant alors les espérances que je fondais sur un traitement médical, ils décidèrent que cet enfant serait confié à mes soins. Mais avant de présenter les détails et les résultats de cette mesure, il faut exposer le point d'où nous sommes partis, rappeler et décrire cette première époque pour mieux apprécier celle à laquelle nous sommes parvenus et, opposant ainsi le passé au présent, déterminer ce qu'on doit attendre de l'avenir. Obligé donc de revenir sur des faits déjà connus, je les exposerai rapidement, et pour qu'on ne me soupçonne pas de les avoir exagérés dans le dessein de faire ressortir ceux que je veux leur opposer, je me permettrai de rapporter ici, d'une manière très analytique, la description qu'en fit à une société savante, et dans une séance où j'eus l'honneur d'être admis, un médecin aussi avantageusement connu par son génie observateur que par ses profondes connaissances dans les maladies de l'intellectuel. Procédant d'abord par l'exposition des fonctions sensorielles du jeune sauvage, le citoyen Pinel nous présenta ses sens réduits à un tel état d'inertie que cet infortuné se trouvait, sous ce rapport, bien inférieur à quelques-uns de nos animaux domestiques. Ses yeux sans fixité, sans expression, errant vaguement d'un objet à l'autre sans jamais s'arrêter à aucun, si peu instruit d'ailleurs et si peu exercé par le toucher, qu'il ne distinguait point un objet en relief d'avec un corps en peinture. L'organe de l'ouïe, insensible aux bruits les plus forts comme à la musique la plus touchante, celui de la voix réduite à un état complet de mutité et ne laissant échapper qu'un son guttural et uniforme. L'odorat, si peu cultivé, qu'il recevait avec la même indifférence, l'odeur des parfums et l'exhalaison fétide des ordures dont sa couche était pleine. Enfin, l'organe du toucher, restreint aux fonctions mécaniques de l'appréhension des corps. Passant ensuite à l'état des fonctions intellectuelles de cet enfant, l'auteur du rapport nous le présenta incapable d'attention, si ce n'est pour les objets de ses besoins, et conséquemment de toutes les opérations de l'esprit qu'entraîne cette première, dépourvue de mémoire, de jugement, d'aptitude à l'imitation, et tellement bornée dans les idées mêmes relatives à ses besoins, qu'il n'était point encore parvenu à ouvrir une porte, ni à monter sur une chaise pour atteindre les aliments qu'on élevait hors de la portée de sa main. Enfin, dépourvu de tout moyen de communication, n'attachant ni expression ni intention aux gestes et aux mouvements de son corps, passant avec rapidité et sans aucun motif présumable, d'une tristesse apathique aux éclats de rire les plus immodérés, insensible à toute espèce d'affection morale. Son discernement n'était qu'un calcul de gloutonnerie, son plaisir une sensation agréable des organes du goût, son intelligence la susceptibilité de produire quelques idées incohérentes relatives à ses besoins, toute son existence, en un mot, une vie purement animale. Rapportant ensuite plusieurs histoires recueillies à Bicêtre d'enfants irrévocablement atteints d'idiotisme, le citoyen Pinel établit entre l'état de ces malheureux et celui que présentait l'enfant qui nous occupe les rapprochements les plus rigoureux qui donnaient nécessairement pour résultat une identité complète et parfaite entre ces jeunes idiots et le sauvage de l'Aveyron. Cette identité menait nécessairement à conclure qu'atteint d'une maladie jusqu'à présent regardée comme incurable, il n'était susceptible d'aucune espèce de sociabilité et d'instruction. Ce fut aussi la conclusion qu'en tira le citoyen Pinel et qui l'accompagna néanmoins de ce doute philosophique répandu dans tous ses écrits et que met dans ses présages celui qui sait apprécier la science du pronostic et n'y voir qu'un calcul plus ou moins incertain de probabilités et de conjectures. Je ne partageais point cette opinion défavorable, et malgré la vérité du tableau et la justesse des rapprochements, j'osais concevoir quelques espérances. Je les fondais moi-même sur la double considération de la cause et de la curabilité de cet idiotisme apparent. Je ne puis passer outre sans m'appesantir un instant sur ces deux considérations. Elles portent encore sur le moment présent. Elle repose sur une série de faits que je dois raconter et auxquels je me verrai forcé de mêler plus d'une fois mes propres réflexions. Si l'on donnait à résoudre ce problème de métaphysique, déterminer quel serait le degré d'intelligence et la nature des idées d'un adolescent qui, privé dès son enfance de toute éducation, aurait vécu entièrement séparé des individus de son espèce. Je me trompe grossièrement, ou la solution du problème se réduirait à ne donner à cet individu qu'une intelligence relative au petit nombre de ses besoins et dépouillée par abstraction de toutes les idées simples et complexes que nous recevons par l'éducation et qui se combinent dans notre esprit de tant de manières par le seul moyen de la connaissance des signes. Eh bien, le tableau moral de cet adolescent serait celui du sauvage de l'Aveyron, et la solution du problème donnerait la mesure et la cause de l'état intellectuel de celui-ci. Mais pour admettre encore avec plus de raison l'existence de cette cause, il faut prouver qu'elle a agi depuis nombre d'années et répondre à l'objection que l'on pourrait me faire et que l'on m'a déjà faite, que le prétendu sauvage n'était qu'un pauvre imbécile que des parents, dégoûtés de lui, avaient tout récemment abandonné à l'entrée de quelque bois. Ceux qui se sont livrés à une pareille supposition n'ont point observé cet enfant peu de temps après son arrivée à Paris. Ils auraient vu que toutes ses habitudes portaient l'empreinte d'une vie errante et solitaire. Aversion insurmontable pour la société et pour ses usages, nos habillements, nos meubles, le séjour de nos appartements, la préparation de nos mets, indifférence profonde pour les objets de nos plaisirs et de nos besoins factices, goût passionné pour la liberté des champs, si vif encore dans son état actuel, malgré ses besoins nouveaux et ses affections naissantes, que pendant un court séjour qu'il a fait à Montmorency, il se serait infailliblement évadé dans la forêt sans les précautions les plus sévères et que deux fois il s'est échappé de la maison des sourds-muets, malgré la surveillance de sa gouvernante. Locomotion extraordinaire, pesante à la vérité, depuis qu'il porte des chaussures, mais toujours remarquable par la difficulté de se régler sur notre démarche posée et mesurée et par la tendance continuelle à prendre le trot ou le galop. Habitude opiniâtre de flairer tout ce qu'on lui présente, même les corps que nous regardons comme inodores. Mastication non moins étonnante encore, uniquement exécutée par l'action précipitée des dents incisives, indiquant assez, par son analogie avec celle de quelques rongeurs, qu'à l'instar de ces animaux, notre sauvage ne vivait le plus communément que de production végétale. Je dis le plus communément, car il paraît, par le trait suivant, que dans certaines circonstances, il aurait fait sa proie de quelques petits animaux privés de vie. On lui présenta un serin mort, et en un instant, l'oiseau fut dépouillé de ses plumes grosses et petites, ouvert avec l'ongle, flairé et rejeté. D'autres indices d'une vie entièrement isolée, précaire et vagabonde, se déduisent de la nature et du nombre de cicatrices dont le corps de cet enfant est couvert. Sans parler de celles que l'on voit au devant du col, et dont je ferai mention ailleurs comme appartenant à une autre cause et méritant une attention particulière, on en compte 4 sur la figure, 6 sur le long du bras gauche, 3 à quelque distance de l'épaule droite, 4 à la circonférence du pubis, 1 sur la fesse gauche, 3 à une jambe et 2 à l'autre. Ce qui fait, en somme, 23 cicatrices, dont les unes paraissent appartenir à des morsures d'animaux et les autres à des déchirures et à des écorchures plus ou moins larges, plus ou moins profondes. Témoignages nombreux et ineffaçables du long et total abandon de cet infortuné et qui, considérés sous un point de vue plus général et plus philosophique, déposent autant contre la faiblesse et l'insuffisance de l'homme, livré seul à ses propres moyens, qu'en faveur des ressources de la nature qui, selon des lois en apparence contradictoires, travaille ouvertement à réparer et à conserver ce qu'elle tend sourdement à détériorer et à détruire. Conjoigne à tous ces faits déduits de l'observation, ceux non moins authentiques qu'ont déposé les habitants des campagnes voisines du bois où cet enfant a été trouvé, et l'on saura que dans les premiers jours qui suivirent son entrée dans la société, il ne se nourrissait que de glands, de pommes de terre et de châtaignes crues, qu'il ne rendait aucune espèce de son, que malgré la surveillance la plus active, il parvint plusieurs fois à s'échapper, qu'il manifesta une grande répugnance à coucher dans un lit, etc. L'on saura surtout qu'il avait été vu plus de 5 ans auparavant entièrement nu et fuyant à l'approche des hommes, ce qui suppose qu'il était déjà, lors de sa première apparition, habitué à ce genre de vie. habitude qui ne pouvait être le résultat que de 2 ans au moins de séjour dans des lieux inhabités. Ainsi, cet enfant a passé dans une solitude absolue 7 ans à peu près sur 12 qui composaient l'âge qu'il pouvait avoir quand il fut pris dans les bois de la Cône. Il est donc probable et presque prouvé qu'il y a été abandonné à l'âge de 4 ou 5 ans et que si, à cette époque, il devait déjà quelques idées et quelques mots à un commencement d'éducation, tout cela se sera effacé de sa mémoire par suite de son isolement. Voilà quelle me parut être la cause de son état actuel. On voit pourquoi j'en augurais favorablement pour le succès de mes soins. En effet, sous le rapport du peu de temps qu'il était parmi les hommes, le sauvage de l'Aveyron était bien moins un adolescent imbécile qu'un enfant de 10 ou 12 mois et un enfant qui aurait contre lui ses habitudes antisociales, une opiniâtre inattention, des organes peu flexibles et une sensibilité accidentellement émoussée. Sous ce dernier point de vue, sa situation devenait un cas purement médical et dont le traitement appartenait à la médecine morale, à cet art sublime créé en Angleterre par les Willis et les Crichton et répandu nouvellement en France par les succès et les écrits du professeur Pinel. Guidé par l'esprit de leur doctrine, bien moins que par leurs préceptes qui ne pouvaient s'adapter à ce cas imprévu, je réduisis à 5 vues principales le traitement moral ou l'éducation du sauvage de l'Aveyron. Première vue, l'attacher à la vie sociale en la lui rendant plus douce que celle qu'il menait alors et surtout plus analogue à la vie qu'il venait de quitter. Deuxième vue, réveiller la sensibilité nerveuse par les stimulants les plus énergiques et quelquefois par les vives affections de l'âme. Troisième vue, étendre la sphère de ses idées en lui donnant des besoins nouveaux et en multipliant ses rapports avec les êtres environnants. Quatrième vue, le conduire à l'usage de la parole en déterminant l'exercice de l'imitation par la loi impérieuse de la nécessité. Cinquième vue, exercer pendant quelque temps sur les objets de ses besoins physiques les plus simples opérations de l'esprit en déterminant ensuite l'application sur des objets d'instruction.